comprendre la vérité. Libère mon esprit et me rend heureux. Je suis rempli de confiance dans la parole de Dieu et n'ai aucun doute. Je ne suis pas négatif, ne recule jamais, ni ne désespère. Je fais de mon mieux pour garder mon devoir sans aucun souci charnel. Bien que mon calibre soit bas, j'ai un cœur honnête. Mon dévouement est pour satisfaire la volonté de Dieu. Aux gens heureux, venez chanter et danser à la gloire de Dieu. Aux gens heureux, venez chanter et danser à la gloire de Dieu. Je pratique la vérité, j'obéis à Dieu en personne honnête. Ouvert et droit sans fraude, je vis dans la lumière. Gens honnêtes, venez vite, parlons cœur à cœur. Tous ceux qui aiment Dieu, venez rassemblez-vous en bons amis. Aux gens heureux, venez chanter et danser à la gloire de Dieu. Aux gens heureux, venez chanter et danser à la gloire de Dieu. Tous ceux qui aiment la vérité sont des frères et sœurs. Tous ceux qui aiment Dieu, venez rassemblez-vous en bons amis. Aux gens heureux, venez chanter et danser à la gloire de Dieu. Aux gens heureux, venez chanter et danser à la gloire de Dieu. Aux gens heureux, venez chanter et danser à la gloire de Dieu. Aux gens heureux, venez chanter et danser.